Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? La paix pour mon pays, c'est ton amour Jésus dans mon cœur. La paix dans une famille, c'est ton amour Jésus dans le cœur. Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ce monde? Jésus-Christ dans ton cœur, c'est la paix. Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ce monde? Même si tu meurs, c'est la vie éternelle. Parfois, nous cherchons la paix, mais c'est juste pour fuir la mort. Et la paix que nous aurons, c'est seulement pour sauver la peau. Une fois que la peau est sauvée, l'amour de l'argent entre. Et pour avoir cet argent, parfois on peut même sacrifier son prochain. Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? La paix que nous cherchons nuit et jour. Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? La paix que nous cherchons, c'est Dieu dans ton cœur. C'est Jésus dans ta vie. Yeah. On peut bombarder de villes toutes les choses calcinées, mais si dans ton cœur tu as l'amour divin, tu vivras pour toujours. La chair n'aura jamais la paix tant que tu es sur la terre, mais ton âme aura la paix si tu as l'amour divin. La paix, c'est Jésus dans ton cœur. Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? La paix. Où est la paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? La paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? Jésus Christ dans mon cœur, c'est la paix. La paix que nous cherchons nuit et jour dans ces mondes? L'amour divin dans ma vie, c'est la paix. Quand tu aimes ton prochain, c'est la paix. Quand tu vis pour les autres, c'est la paix. L'amour dans ton cœur, c'est la paix. Oh Jésus-Christ dans ton cœur, c'est la paix. Oh l'amour divin dans ta vie, c'est la paix. Oh, Jésus-Christ dans ta vie, c'est la paix.